Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Poète, journaliste, auteur dramatique et critique de théâtre, ami de Charles Baudelaire. Voici l'inconnu de l'histoire que nous allons découvrir lors de la première émission d'une série de deux qui lui était consacrée au début des années 1980 sur France Culture. Avait-il choisi la vie de bohème, ce jeune homme, né en Guadeloupe, arrivé à Paris à l'âge de 10 ans pour y suivre ses études? Une vie de café, on y écrit ses articles, c'est la mode, et c'est bon pour les relations publiques. On fréquente les boulevards, on mange chez Tortoni, à la Maison d'Or. Rive droite, c'est la ville, rive gauche, c'est l'université. La rive gauche, où l'on se promène avec son ami Baudelaire, à qui l'on présentera Théodore de Banville. Alexandre Privat d'Anglemont. Avait-il écrit quelques vers attribués à Baudelaire? Et inversement, Baudelaire avait-il signé quelques vers attribués à Privat d'Anglemont, par jeu littéraire, par goût de la mystification? Paris, c'est grisette, c'est lorette, c'est comédienne, la vie de bohème et les 3000 personnes intéressantes à connaître. Les inconnus de l'histoire, Alexandre Privat d'Anglemont, première émission d'une série de deux par Jean Montalbetti, réalisation Dominique Costa et première diffusion sur France Culture le 11 novembre 1983. Unknown people in history. Disconosciuti nella storia. La storia dos desconocidos. Unbekannte der Geschichte. L'uomo non si rarezza. The unknowns of history. Les inconnus de l'histoire. Enquête sur un jeune lion antillais de la bohème parisienne, Alexandre Privat d'Anglemont par Jean Montalbetti. Médiateur Claude Pichois, consultant Marc Gaillard. Dans le rôle d'Alexa Privat d'Anglemont, Denis Manuel, avec la voix de Serge Ranco. Réalisation Dominique Costa. Claude Pichois, spécialiste de Baudelaire, de la littérature du XIXe siècle, vous aviez choisi d'évoquer pour Les Inconnus de l'Histoire un personnage qui n'a pas laissé un grand nom dans la littérature, qui est presque l'auteur d'un seul livre ou d'une seule série de chroniques, un petit peu de la même inspiration, Alexandre Privat d'Anglemont. Alors pour quelles raisons un personnage comme celui-là, entre le journalisme, la littérature, un peu le théâtre et la poésie, contemporain de Baudelaire et de Nerval, membre de cette bohème joyeuse, est-il important à sortir de l'ombre aujourd'hui ? Important parce que quiconque s'occupe de Baudelaire, quiconque s'occupe de Nerval, rencontre un jour sur le chemin ce grand dégingandé de Privat d'Anglemont. Et important parce que je crois que c'est un vrai écrivain qui a su donner de Paris une image que nous aimons maintenant à retrouver, une image qu'il n'était plus possible de voir après les grands travaux d'Haussmann et après l'industrialisation d'une partie de Paris et surtout des faubourgs de Paris. Pressentiment chez Privat d'Anglemont, justement, d'un monde qui est en train de disparaître, nostalgie qui est propre à son caractère ou bien au contraire un trait de la sensibilité de l'époque? Un trait de la sensibilité de l'époque, sans doute, ou même certainement, mais aussi une vue très personnelle que peut avoir Privat, qui n'est pas né dans ce Paris et qu'il découvre avec des yeux nouveaux, même s'il a été élevé à Paris à partir de l'âge de 10 ans. Néanmoins, il porte le regard que peut porter dans la littérature du 18e, un Persan, un Iroquois, sur cette vie et sur cette ville, qui sont tout de même bien différentes de ce qu'il a connu dans son île natale. Est-ce que pour l'historien de la littérature, d'une certaine façon, il faut connaître un Privat d'Anglemont, un Henri Murger pour comprendre le milieu dans lequel a vécu un écrivain comme Baudelaire ou un écrivain comme Nerval? Je dirais qu'une partie de l'œuvre de Baudelaire et une partie de l'œuvre de Nerval ne s'explique bien qu'à partir de ces chroniques de Privat d'Anglemont, car Baudelaire et Nerval se bornent à des allusions. Et on comprend mieux la totalité de ces allusions si l'on a la toile de fond, précisément, que Privat d'Anglemont nous fournit. Je dirais que, d'autre part, Privat d'Anglemont appartient à une vraie tradition littéraire française. On a eu pour le Paris de la fin de l'Ancien Régime et pour le Paris de la Révolution les tableaux de Paris de Sébastien Mercier. On a pour la Restauration, pour l'Empire, le premier, et pour la Restauration, on a l'ermite de la Chaussée d'Antin d'Étienne Jouy, qui nous permet de vivre la vie quotidienne des Parisiens entre, disons, 1810 et 1830. Et Privat reprend cette tradition que l'on trouve d'ailleurs exprimé d'une manière un peu différente dans la très belle série, admirablement illustrée, des Français peints par eux-mêmes, auxquels Balzac et Nerval, entre autres, ont collaboré. Ce sont donc des scènes de la vie parisienne, et que l'on peut même rapprocher, après tout, d'une partie, du titre d'une partie de la Comédie humaine. J'habitais l'hôtel Pimodan depuis 6 mois environ, en compagnie de quelques gens de lettres et de quelques artistes. Nous avions des appartements princiers, mais nous n'avions pas le moindre meuble. À quoi bon des meubles, d'ailleurs, puisque nous n'avions rien à mettre dedans? Je cherchais dans un coin, sur le parquet, les hardes qui composaient ma garde-robe. Il me restait alors de fort beaux débris d'une opulence effacée, de ce que j'appelais mon Louis XIV. J'avais toujours mon habit noir à la française, mon pantalon noir, mon gilet broché, mes bottes vernies, mes gants paille, mais de ma douzaine de chemises de Hollande, si éblouissantes de blancheur, il ne me restait plus qu'une seule chemise. Je sais bien ce qu'on va me dire, une chemise c'est suffisant pour un homme seul. D'accord, mais il y a chemise et chemise, comme il y a fagot et fagot. La mienne était en toile de Hollande, tout aussi éblouissante de blancheur que les autres. Seulement, elle était sur le point de subir sa dernière incarnation et, de vêtements, devenir charpie. Cependant, à force de la retourner dans tous les sens, j'acquis l'agréable conviction qu'elle pouvait faire son effet durant une soirée encore. Le col, le devant et les poignets étaient intacts, et pour le reste, je n'avais pas à redouter de trop grandes catastrophes en me conduisant sagement. Cette conviction faite, je m'habillai à la hâte, et me trouvant irréprochable comme tenu, je descendis. Au moment où j'allais sortir, il me sembla entendre ricaner les deux gros lions placés en sentinelle au coin de la grande porte de l'hôtel Pimodan. Insolent. Privat d'Anglemont, auteur presque d'un seul livre, on pourrait peut-être réunir en un même volume le Paris inconnu et le Paris anecdote. Un personnage également qui incarne une partie de la vie sociale de l'époque, une partie de la vie parisienne, et dont on a une image dans une très jolie édition illustrée de Paris inconnu, illustrée d'une 60aine de dessins de Coindre. Et sur la couverture, il y a un dessin qui représente probablement Privat d'Anglemont avec son ami Alfred Delvaux, qui d'ailleurs a préfacé le Paris inconnu, et qui sont l'un et l'autre derrière une jeune femme, une jeune parisienne très élégante, qui est dans une loge de théâtre et elle porte des jumelles à ses yeux pour regarder la scène qui est en train de se dérouler, et les deux hommes sont en train de viser derrière elle. Et on a là une image d'un jeune lion de la société parisienne de probablement la fin des années 1830 ou au milieu des années 1830. C'est un personnage à la chevelure abondante, blonde, ou tirant sur le roux, également avec une barbe, une très belle prestance. On n'a pas du tout l'image en le voyant d'un homme qui est un homme de couleur et originaire de la Guadeloupe. Non, en effet, l'image que vous me montriez tout à l'heure est corroborée par un témoignage écrit. Il était grand et sa chevelure tirait en effet sur le blond roux. Et il était difficile de voir en lui quelqu'un né aux Antilles et d'une ascendance de gens de couleur. Il est décrit par un contemporain comme ayant un grand air de planteur américain, avec des vêtements coupés à l'anglaise, des yeux gris pleins de feu et une chevelure plantureuse, crépue et rousse et avec des taches de rousseur. Il a tout de même un physique, semble-t-il, assez typé. Oui. Le planteur américain fait bien entendu allusion à un planteur entièrement blanc. Oui. Cette image est aussi intéressante parce qu'elle prouve que Privat d'Anglemont était devenu un vrai Parisien. Et il fait le portrait, quelque part dans l'un des deux volumes dont vous citiez les titres, il fait le portrait type du vrai Parisien, qui connaît tout le monde. Eh bien, il connaissait tout le monde, il était connu de tout le monde, et sa silhouette, par sa taille, par sa chevelure, sa silhouette était une silhouette familière aux Parisiens, disons, au tout Paris, au moins de la littérature, au tout Paris qui comptait. Oui, c'est ce qu'il appelle le Parisien de Paris. Le Parisien de Paris. Et qui rencontre évidemment en une seule promenade toutes les célébrités dont il est bien entendu connu lui aussi. Et on sait bien que le Parisien de Paris n'est pas nécessairement né à Paris. Et il y a parmi nos connaissances, des Parisiens de Paris qui sont nés loin des frontières françaises. Alors dans cette société du Paris de Louis-Philippe, quelle figure fait un personnage venant des îles, évidemment, depuis déjà presque une dizaine d'années, puisqu'il est arrivé à Paris à l'âge de 10 ans, et dont l'origine tout de même demeure assez mystérieuse, sur laquelle il est fort discret en tout cas. Oui, ce mystère qui plane sur ses origines est précisément un des caractères qui rendait attrayante la figure de Privat d'Anglemont. Il faut bien dire qu'il n'était pas le seul à Paris à venir des Indes occidentales, comme on disait un peu auparavant, à venir des Antilles. Bicêtre est venu à Paris pour défendre les droits des Noirs et des mulâtres. Un autre qui s'appelle L'Herminier a aussi fait partie de la bohème à laquelle appartenait Privat d'Anglemont. C'était généralement des Antillais qui appartenaient à des familles riches. Et c'est bien le cas de Privat d'Anglemont. On ne sait d'où il tient ce nom d'Anglemont qui est écrit plutôt pour son frère aîné en un seul mot, D-A-N, n'est-ce pas? Mais qu'il écrit lui avec le D apostrophe, qui le nobilifie. La particule nobiliaire. Oui, particule nobiliaire, mais il faut bien dire que Alexandre et Privat sont ses prénoms. Et c'est sous les prénoms d'Alexandre et de Privat qu'il a été déclaré à l'état civil. Mais on aperçoit qu'il appartient à une catégorie très particulière de gens de couleur des Antilles, qu'on appelait les gens de couleur libres. Donc, d'après ce que nous savons, et il faut citer ici les recherches extrêmement minutieuses, précises de M. Jean Ziegler, qui ont été publiées dans les études baudelairiennes, au huitième volume, des études baudelairiennes à la Baconnière, la grand-mère de Privat devait être noire, elle est devenue la maîtresse d'un blanc, d'où une fille qui est devenue la mère de Privat, et qui, elle, n'était plus parfaitement noire, qui était mulâtresse. Et cette mulâtresse, libre, a eu un enfant, sans doute avec un blanc, et peut-être Privat d'Anglemont est-il un Carteron, ce qui expliquerait donc la clarté de son teint et cette chevelure d'un blond roux. Oui, Jean Ziegler, dans ses recherches, a retrouvé donc l'état civil des deux générations qui ont précédé celle d'Alexandre Privat d'Anglemont. Et il note effectivement les distinctions. La grand-mère est négresse libre, la mère est mulâtresse libre, et lui, il est noté comme couleur ou de couleur libre. Oui. Alors, d'abord, première chose à noter, c'est qu'il ne s'agit pas directement d'un fils ou d'un petit-fils d'esclave. Ce serait à la rigueur un arrière-petit-fils d'esclave. Peut-être, oui, c'est ça. Oui. Mais par contre, sa mère semble avoir eu à son service des esclaves et des domestiques et avoir possédé plusieurs propriétés, notamment, enfin je note, au bourg de Sainte-Rose. André Ziegler a retrouvé la mention de deux propriétés dans le même bourg, une habitation qui s'appelle Bagatelle, une maison à Pointe-à-Pitre, et elle dispose de 15 esclaves et de 4 domestiques. Oui. Et la fortune, à sa mort, lorsque la succession doit être réglée, Je ne me rappelle pas le chiffre, mais il était à peu près... Plus de 80 000 francs. Oui. Ce qui restait à Baudelaire lorsqu'il a eu dilapidé la moitié de la fortune qui lui venait de son père. Donc ce n'est pas rien à l'époque, n'est-ce pas ? Yvonne Penmour. Te souvient-il, enfant, des jours de ta jeunesse et des grandes forêts où tu courais pieds nus, rêveuse et vagabonde, oubliant ta détresse et laissant le zéphyr baiser tes bras charnus? Tes cheveux crépelés, ta peau de mulâtresse rendaient plus attrayants tes charmes ingénus. Telle avant ses amours, Diane chasseresse courait dans la bruyère et sur les monts chenus. Il ne reste plus rien de ta beauté sauvage. Le flot ne mordra plus tes pieds sur le rivage et l'herbe a recouvert l'empreinte de tes pas. Paris t'a faite riche, entre les plus hautes haines. Tes frères, les chasseurs, ne reconnaîtraient pas leur sœur qui, dans ses mains, buvait l'eau des fontaines. Je crois qu'il faut replacer Privat d'Anglemont dans les Antilles, à Basse-Terre, à la Guadeloupe, c'est là qu'il est né, et dans la catégorie sociale particulière à laquelle il appartient. Il n'appartient pas à la communauté noire, il n'appartient pas à la communauté blanche, et il pouvait se produire à cette époque-là aux Antilles ce qu'on voit se produire aux États-Unis. Lorsqu'on est entre les deux communautés, on est dans une situation vraiment... très inconfortable, et je crois d'ailleurs que les Américains obligent à choisir entre blanc et noir. Alors, lui n'a pas voulu choisir, il appartient donc à une famille riche, et à l'âge de 10 ans, il est envoyé à Paris pour y faire ses études dans un lycée, le lycée Henri IV. Et il n'est pas le seul Antillais, il se trouve dans la classe où a été placé l'un des fils de Louis-Philippe, il est donc éduqué avec l'élite de la société française, dans la mesure où elle est placée dans des lycées et non pas dans des collèges religieux. Ça veut dire tout de même que sa famille est très aisée pour pouvoir l'envoyer à l'âge de 10 ans. Sa mère d'ailleurs n'est pas encore morte, elle mourra en 1835 seulement. Et il a un frère aîné, Élie Victor, qui justement veut que son plus jeune frère aille faire des études à Paris. Oui, parce que Paris permet justement à cette catégorie de gens de couleur libre d'échapper aux préjugés qui règnent dans l'île, de trouver la liberté, de trouver aussi les conditions d'un épanouissement. Avec un peu de chance, si son tempérament avait été différent, Privat d'Anglemont aurait pu devenir un riche négociant français ayant des intérêts aux Antilles. Mais il avait choisi une autre voie, la voie de la bohème. Choix très différent de celui de son frère, qui au contraire va gérer l'héritage familial, et notamment diriger une sucrerie qui donnera à la famille, et particulièrement à Privat d'Anglemont, puisqu'il reçoit régulièrement des sommes d'argent envoyées par son frère, tout de même des ressources, des revenus réguliers. Oui, il reçoit des mensualités dont on disait que dès qu'il les avait reçues, il s'empressait de les dépenser. Ce n'est pas tout à fait la vérité, mais il est certain qu'à partir d'un certain moment, son frère a répondu avec moins d'empressement aux demandes d'argent qui lui venaient de Paris. Et c'est alors, pour régler précisément ces problèmes financiers de la famille, que Privat a été obligé de faire le voyage des Antilles. Et la légende, mais peut-être est-elle conforme à la vérité, la légende voudrait que, arrivé à la Guadeloupe, il se soit avec son frère précipité chez le notaire pour donner sa signature et que, moins de 24 heures après son arrivée, il se soit rembarqué à destination de Paris. Cela a au moins une signification, c'est qu'il ne pouvait pas vivre là-bas. Il avait choisi une autre vie et il était tout à fait enclin à jouir de cette liberté qu'accordait Paris à lui comme à bien d'autres, parce qu'au fond, il est un émigré à Paris, mais il faut penser à tous les émigrés que contenait Paris, qui venaient d'Europe centrale, de Pologne notamment, et toutes ces personnes trouvaient à Paris cette liberté qu'elles n'auraient pas trouvée chez elles pour des questions raciales aux Antilles, pour des questions politiques en Hongrie ou en Pologne. Les voitures d'actrices sont des voitures de maître. On traversait Paris en un quart d'heure avec elles. Aussi, à peine installés sur les coussins, et mon histoire à peine reprise, nous étions déjà arrivés rue Taitbout. Ma compagne de route riait toujours et je commençais à me sentir très ému par son voisinage. « Avez-vous le temps de monter, Privat ?» me demanda Esther. « Je serais curieuse de connaître le dernier mot de votre histoire, bien que je le devine un peu. »« Vous ne le devinez pas du tout et j'ai tout le temps de vous l'apprendre, me hâtais-je de répondre. » Elle descendit de sa voiture et la renvoya. Les actrices vivent un peu comme les gens de lettres, et comme eux, rentrant tard, elles aiment à souper. Esther avait une soubrette de Marivaux, presque aussi jolie que sa maîtresse, et qui avait l'air de connaître sur le bout des doigts les sept péchés capitaux. Elle servit dans un petit salon bleu éclairé faiblement, un souper appétissant au possible, puis elle nous laissa seuls. « Et cette histoire, Privat ?» me demanda Esther, s'apercevant que je n'y songeais plus, et devinant bien à mes regards que je songeais à autre chose. Ce petit salon bleu était délicieux. Vous savez à quoi l'on peut songer dans un petit salon bleu quand on est jeune, qu'on a en face de soi, vous regardant de ses beaux grands yeux rieurs, une très aimable femme qui a joué avec esprit le rôle de la fiancée du roi de Garbe. Eh bien, je songeais à cela. Et pour y songer avec plus de succès, j'avais rapproché mon fauteuil de celui de ma voisine, qui, naturellement, ne s'était pas reculée. La lampe qui nous éclairait ne jeta plus bientôt que des lueurs mystérieuses et charmantes. Esther ne me demandait plus l'histoire que j'avais tant de fois interrompue. L'actrice se sentait tout bonnement redevenir femme, le rôle le plus agréable à jouer en somme, lorsque, en me penchant vers elle pour lui baiser le bout de sa main divine, j'entendis un sourd déchirement qui me fit pâlir et presque pleurer. Ma dernière chemise, de toile de Hollande, collée jusque-là à ma peau, venait de craquer de haut en bas et de long en large. « Palsamble, madame, dis-je en me relevant précipitamment et en allant reprendre mes gants et mon chapeau. Les heures passent vite en votre aimable compagnie. Il est 3 heures du matin et je ne suis pas encore rentré. Que va dire et penser le concierge de l'hôtel Pimodan, mon vénérable concierge? Adieu, belle dame, adieu !» Après avoir failli en pleurer, je ne tardais pas à rire de cette aventure que je racontais à plusieurs amis, qui la racontèrent à d'autres, qui la racontèrent encore à d'autres. 8 jours après, je passais sur le boulevard Montmartre vers 3 heures. Un petit coupé que je connaissais bien s'arrêta à quelques pas de moi et j'aperçus dedans un visage rose et rieur que je connaissais encore mieux. Je me précipitai à la portière. « Bonjour, ami Privat, » dit Esther en me donnant une cordiale poignée de main. « J'ai une autre histoire à vous conter, lui dis-je, et si vous vouliez me laisser monter à côté de vous, je vous la raconterai volontiers en chemin. » Esther me regarda des pieds à la tête. Puis, elle me répondit avec le plus adorable et le plus moqueur des sourires, « Non, mon ami, vous avez aujourd'hui une chemise neuve. Vous seriez trop dangereux. » Thank you. Paris, Privat d'Anglemont va faire des études secondaires donc tout à fait classiques jusqu'à son baccalauréat qu'il va obtenir à 18 ans en juillet 1833. Et puis, il va se lancer dans des études de médecine. Oui, de même que Baudelaire, ayant terminé ses études secondaires, s'inscrit à la faculté de droit. De même, Privat, lui, s'inscrit en faculté de médecine et l'un et l'autre ne prennent que 3 inscriptions. Et ensuite, il s'écarte des facultés et commence à vivre de la vie dangereuse du bohème écrivain. Alors, dans ces années, disons par exemple 1833-34, il a 18-19 ans, jusqu'à 1840, c'est l'année probablement où il rencontre pour la première fois Baudelaire. Dans quel milieu parisien entre-t-il et quelles sont les personnalités qui constituent dans ces années-là la bohème parisienne ? Je pense que cette première partie de la vie libre de Privat d'Anglemont se situe dans une bohème peut-être encore assez riche. Non pas la bohème des buveurs d'eau, certainement pas la bohème des buveurs de champagne, mais je dirais la bohème des artistes. Il est entre deux, si je puis dire. Et c'est plus tard qu'il va connaître la vie de bohème avec toutes ses contraintes et avec la pauvreté. Il a encore les revenus qui viennent de la famille. À ce moment-là, il a encore des revenus importants. Et il invite, lorsqu'il reçoit ses mensualités, il invite donc ses amis dans un restaurant. Et il s'est fait à ce moment-là beaucoup d'amis. Et il faut bien dire que les amis ont été fidèles à Privat d'Anglemont, ce qui est assez rare au fond dans la vie. Et après ses premières années d'opulence, pour ainsi dire, il va donc entrer dans une vie plus difficile. Et là, il va rencontrer alors la bohème de Murgères. Mais alors, dans ces années de la fin des années 1830, quels sont les lieux de la bohème? Quels sont les cafés où... Alors, ce sont les cafés du boulevard, c'est la Maison d'Or, c'est Tortoni, et il faut sans doute l'imaginer aussi en temps les salles de rédaction des petits journaux plutôt que des grands, des revues littéraires. Et tout cela se situe autour du boulevard. Sans doute y a-t-il un autre pôle d'attraction qui est pour lui le quartier latin dans lequel il a fait ses études. Oui, où il vit depuis son arrivée à Paris et qui va être au fond un peu son quartier d'élection. Et qui va redevenir son quartier d'élection à partir de 1847 environ. Marc Gaillard, nous sommes installés autour d'une table dans un café à l'ancienne qui se trouve rue Christine, installé d'ailleurs dans les bâtiments d'une ancienne imprimerie. Vous avez retracé un peu ce qu'était la vie du Paris du XIXe siècle dans un ouvrage récent. Quelle était à l'époque de 1840, époque à laquelle Alexandre Privat d'Anglemont rencontre à la fois Charles Baudelaire et Théodore de Banville, la place du café dans la vie de bohème? Tout le monde ne fréquente pas les salons, hormis Stendhal qui était peut-être un habitué des salons. La plupart de ses contemporains, peintres, écrivains, sculpteurs, poètes, n'ont d'autres lieux pour se réunir que les espaces publics qui sont beaucoup plus accueillants qu'aujourd'hui. Et il est évident que le café a joué un rôle déterminant dans l'évolution de la littérature, l'évolution peut-être de la peinture et des arts et de la politique en général au XIXe siècle. Les cafés que fréquentait Privat d'Anglemont étaient ceux, évidemment, de l'environnement de la rue Saint-André-des-Arts, mais surtout ceux, comme tout le monde à l'époque, surtout ceux de la rive droite, ceux des grands boulevards, ceux du Palais-Royal, ceux des Halles, qui étaient infiniment nombreux et généralement fort bien achalandé, c'est-à-dire qu'il ne désemplissait pas certains même 24 heures sur 24. Est-ce qu'il y a une spécificité des cafés, c'est-à-dire est-ce que ceux de la rive gauche, par exemple le Procope, qui est un des plus anciens cafés de Paris où va quelquefois Privat d'Anglemont, ou bien les cafés des grands boulevards sont très différents les uns des autres? Est-ce qu'il y a également des différences importantes de clientèle? Oui, là, il faut pas la rive droite. C'est le quartier du commerce, le quartier des grands journaux, le quartier des affaires. C'est ce qu'on appelle, au temps de Privat d'Anglemont, la ville, pour la distinguer de la rive gauche, que l'on appelle encore l'université. Il y a une distinction très forte qui durera presque jusqu'à la fin du XIXe siècle. Les cafés des grands boulevards, c'est les cafés des journalistes, les cafés des dandys, les cafés des gens qui ont des moyens, qui souhaitent paraître, qui... tandis que les cafés que... Et des comédiens aussi. Des comédiens, bien entendu. Et les cafés que Privat fréquente, soit dans l'île de la Cité, soit dans les Halles, soit ici, sont des tavernes beaucoup plus modestes, où il n'y a pas de nappe, où il n'y a pas, évidemment, tout le décor qui fait la gloire des cafés des grands boulevards, ou même ceux du Palais Royal. Le café le plus réputé du siècle, qui a disparu avec le percement de la rue de Rivoli au début du 19e siècle, et le café Le Gac aux Tuileries, que l'on venait voir tout simplement pour son décor, tellement il était somptueux. Ce qui prouve bien que le café a joué à cette époque, et jusqu'à la fin du 19e siècle, et même jusqu'au début du nôtre, un rôle tout à fait déterminant dans les rapports sociaux. Qu'est-ce qui boit cette bohème dans ces cafés ? Ah, ils boivent de l'absinthe, quelquefois, et même assez souvent. Ils boivent pas mal d'alcool sous diverses formes. L'absinthe est encore tout à fait à l'ordre du jour à ce moment-là. Ils boivent force café aussi, tout simplement du café. Le café est à la mode. Des chocolats, pour les plus sages. Je ne sais pas si Privat d'Anglemont, comme les héros d'Émile Zola, préférait l'absinthe au chocolat ou vice-versa. Je ne saurais répondre. Privat allait au Procope, il allait également à la Chaumière, et puis sur la rive droite, il allait également au Divan, rue Le Pelletier. Oui, la Chaumière était encore, au temps de Privat, un bal. Un bal tout à fait couru et tout à fait populaire, qui était un bal qui présentait d'ailleurs un certain nombre d'inconvénients. Les bagarres y étaient fréquentes. La Chaumière était un bal peu recommandable. Enfin, c'est pas étonnant d'y trouver Privat d'Anglemont. Il était à l'aise partout. Le Divan, c'était un lieu de réunion sur la rive droite que fréquentait alors, disons, l'intelligentsia de l'époque et la grande bourgeoisie. Le café est aussi un lieu donc, où on vient pour rencontrer d'autres personnages, des personnages d'ailleurs de la bohème qui se trouvent pas toujours dans les mêmes milieux d'activité, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien des poètes, il y a des musiciens, il y a des peintres, il y a des comédiens, c'est une forme un peu un même oui, monde. Tout le monde se connaît, oui. À l'époque, Stendhal l'a dit, il y a à Paris 3000 personnes qu'il est intéressant de connaître. Il veut dire par là les 3000 personnes qui font la politique, qui font les arts, qui font la littérature, qui font la mode, qui font, si vous voulez, l'intelligence du pays, du moins les temps de Stendhal. Est-ce que le café est à l'époque aussi lié à l'écriture ? Je veux dire, est-ce que c'est au café que les journalistes, puisque Privat d'Anglemont fait des articles, aux Gaulois, aux Mousquetaires ? Les journalistes, oui. Pour le siècle aussi, est-ce que c'est au café qu'on écrit des articles ? Oui, c'est un peu une mode aussi. On aime bien, c'est une façon de faire ses relations publiques, de paraître, que d'écrire ses articles dans les grands cafés, dans les cafés des grands boulevards, entre l'Opéra et le Faubourg Montmartre. On se montre là un petit peu, on fait preuve, n'est-ce pas, d'un certain génie de spontanéité, c'est pas le cas de Privat, mais un certain nombre de journalistes de l'époque font volontiers preuve d'une certaine ostentation en ce domaine. Est-ce que certains de ces cafés des grands boulevards aussi ne sont pas liés à l'histoire du théâtre ? Tout à fait, oui. Mais l'histoire du théâtre, bien sûr, les grands boulevards n'est pas liée qu'à la partie que nous connaissons plus volontiers aujourd'hui. Elle était surtout liée à la partie qui a été transformée sous le Second Empire pour devenir la place de la République et qui était le boulevard du Temple, le boulevard du Crime. C'était là où était présenté l'essentiel des pièces populaires, les drames, qui avaient tellement de succès. Et qui ont valu à cette partie du boulevard le nom de boulevard du crime, en raison évidemment disons des intrigues toujours dramatiques qui s'y déroulaient. Vous avez vu le film qui retrace l'histoire du boulevard du crime, du boulevard du temple, et que Marcel Carnet a réalisé brillamment il y a déjà quelques années. Dans Les Enfants du Paradis. Dans Les Enfants du Paradis. Donc des cafés qui sont situés soit sur la rive gauche, au quartier latin, ou bien sur les grands boulevards. Ce café a pour cette bohème et ce milieu de la poésie, du journalisme, notamment pour ceux des grands boulevards, un rôle clé dans l'échange entre... Oui, on peut dire que la République des Lettres se constitue dans ces lieux que, de rencontre que sont les cafés l'après-midi et le soir. Il n'y aurait pas eu d'unité de la littérature, il y a tout de même une unité de ton dans cette littérature des années 1840, s'il n'y avait pas eu précisément ces échanges d'idées à l'intérieur des cafés, des bals et autres lieux. Mmh. Il faut penser aussi au théâtre, n'est-ce pas ? Ce sont gens qui hantent les théâtres, qui sont tentés par la composition de pièces de théâtre, plusieurs vont en composer d'ailleurs, et Privat d'Anglemont, là il faut le signaler, partage l'intérêt de Baudelaire, de Banville, de Champfleury pour un genre tout à fait particulier qui est au fond une renaissance du vrai théâtre qui est la pantomime. Alors on voit Privat qui écrira d'ailleurs une pantomime, on voit Privat au théâtre des funambules où règne de Bureau, et c'est là un renouvellement de la création théâtrale alors que règne sur les scènes officielles Ponsard, Émile Augier et bientôt Dumas fils. Est-ce que ce n'est pas à cette époque, dans la fin des années 30, dans les années 1840, que au fond on assiste pour la première fois à la conjonction de plusieurs milieux à la fois, la rencontre dans un même milieu, dans les mêmes lieux d'échange, à la fois du monde de la littérature, de la poésie et du roman, de la peinture, de la musique aussi, du théâtre et du journalisme. Oui, cela est perceptible dès les années du doyenné, quand Nerval vit avec des peintres, des dessinateurs et graveurs. Je crois que c'est un trait vraiment caractéristique de la fin des années 30 et des années 1840, et cela va jusqu'à la symbiose, puisqu'il y a des écrivains qui sont en même temps des dessinateurs de talent, ce que sera Baudelaire. C'est donc un trait caractéristique important, et nous parlions tout à l'heure de République des lettres, il faudrait dire davantage, il faudrait parler d'une République des lettres et des arts, hein, et qui est constituée d'ailleurs d'une série importante d'écrivains, de peintres, d'hommes de théâtre, qui sont, il faut bien le dire, marginaux par rapport à une littérature officielle qui a pour pilier, par exemple, la Revue des Deux Mondes. Et il est bien rare, c'est le cas de Murger tout de même, il est bien rare qu'un de ces écrivains accède précisément à la Revue des Deux Mondes. Donc c'est le petit journalisme, c'est le corsaire Satan, sont des journaux de ce genre qui permettent aux écrivains marginaux de la bohème de s'exprimer. À une jeune saltimbanque. Nous t'aimions bien jadis quand, sur ta triste harpe, tu raclais la romance et qu'en un carrefour, pour attirer la foule à voir tes sauts de carpe, un enfant scrofuleux tapait sur un tambour. Quand tu couvais de l'œil en tordant ton écharpe quelque athlète en maillot, Alcide fait autour, qu'admire le bourgeois que la police écharpe, qui porte 100 kilos et t'appelle Mamour. Ta guitare enrouée et ta jupe à paillettes étalaient à nos yeux le rêve des poètes, la danseuse d'Hoffmann, Esmeralda, mignon. Mais déchue à présent, te voilà, ma pauvre ange, sultane du trottoir, ramassant dans la fange l'argent qui doit saouler ton rude compagnon. partir de 1840, Alexandre Prima d'Anglemont va faire deux rencontres importantes. D'abord celle de Baudelaire, probablement en 40. Et puis c'est lui aussi qui, au cours d'une promenade avec Baudelaire au Luxembourg, va faire se rencontrer Théodore de Banville et Baudelaire. Oui, et également Pierre Dupont, le chansonnier, sur qui Baudelaire va écrire. Et cette rencontre est essentielle parce qu'elle est à l'origine d'une partie difficilement reconnaissable, si je puis dire, de l'œuvre de Baudelaire, mais une partie qui, si elle pose question, est néanmoins une partie qui réunit Baudelaire et Privat d'Anglemont. Donc nous parlions des lieux, les cafés, les théâtres. Il faut aussi parler donc de ce Luxembourg qui a réuni beaucoup d'écrivains qui aimaient à s'y retrouver, notamment notre quatuor Banville, Privat d'Anglemont, Baudelaire et Pierre Dupont. Dont plusieurs ont aujourd'hui leur buste d'ailleurs sur les pelouses de ce Luxembourg. Oui, et dans ce Luxembourg on trouve aussi d'assez belles statues, l'une très belle qui est due au grand sculpteur Préaux, qui a été méconnu de son époque et qui retrouve au fond les grandes inspirations de Puget et de Michel-Ange. Parmi les amis de Privat, il y a Supersac avec qui il écrit une pièce, et puis il y a ce très curieux Antoine Fauchery qui, alors que Privat est venu des Antilles, il va lui aller jusqu'en Australie et rapporter des lettres d'un mineur en Australie, ouvrage publié chez Poulet-Malassis et qui est un témoignage extrêmement important dans les années 1860, au début des années 1860, sur la vie si dure, n'est-ce pas, de ceux qui s'exilaient pour gagner leur vie et obtenir la fortune en Australie. Ce sont essentiellement, au fond, des écrivains de journaux ou de revues. Oui, des écrivains de journaux. Chroniqueurs. Des chroniqueurs et aussi des écrivains qui aiment à prendre leurs risques, je pense à Fauchery. Mais il ne faut pas seulement penser à ceux qui ont quitté la France pour aller chercher fortune ailleurs, qui prennent aussi le risque d'être submergés dans cette vie misérable de la Bohème. Ce sont, pour ainsi dire, des exilés de l'intérieur, n'est-ce pas ? Et au fur et à mesure que la politique va devenir plus contraignante, que l'ordre va régner d'une manière plus impitoyable, donc à partir du 2 décembre 1851, il va falloir survivre et on va survivre ainsi dans les marges de quelques journaux et en s'abstenant, bien entendu, de faire entendre une opinion politique quelconque. Combien dureront nos amours, dit la pucelle au clair de lune. L'amoureux répond, ô ma brune, toujours, toujours. Quand tout sommeille aux alentours, Élise, se tortillant d'aise, dit qu'elle veut que je la baise, toujours, toujours. Moi, je dis, pour charmer mes jours et le souvenir de mes peines, bouteille, que n'êtes-vous pleine, toujours, toujours. Mais le plus chaste des amours, l'amoureux le plus intrépide, comme un flacon s'use et se vide toujours, toujours. Claude Pichoir, Alexandre Privat d'Anglemont va publier ses premiers articles, ses premiers textes, probablement très jeune, vers 1836, il a donc 20 ou 21 ans. On a du mal, dit Jean Ziegler, à en retrouver la trace. Il l'a cherché précisément, soit dans le magasin pittoresque, où finalement, probablement, il n'a peut-être jamais publié, ou dans le magasin universel, dans le musée des familles, parce que, vraisemblablement, les premiers textes publiés n'étaient pas signés. Et puis, il va écrire ensuite quelques poésies, des sonnets particulièrement. Alors, est-ce que on peut réellement garder la trace d'une originalité de Privat d'Anglemont poète ? Oui, c'est une grave question que vous posez et à laquelle on ne peut pas répondre encore d'une manière précise. Ces sonnets de Privat d'Anglemont ont été recueillis à la fin de l'un des deux volumes dont vous citiez les titres tout à l'heure. Et je crois qu'il faut oublier un instant Privat pour parler des premiers essais poétiques de Baudelaire. Baudelaire est un homme extrêmement prudent. Il a une stratégie littéraire. Et quand il arrive sur la scène poétique, Baudelaire la trouve entièrement occupée. Il y a Hugo, il y a eu Lamartine, il y a Vigny, il y a Musset, il y a Laprade, et c'est d'ailleurs un argument qui sera utilisé au moment du procès des Fleurs du Mal. Baudelaire était obligé de choisir le mal. C'était le seul domaine qui resta libre à l'époque. Voyons donc le domaine poétique bien peuplé et par de très grands hommes. Baudelaire se demande quelle poésie originale il va pouvoir faire, comme l'on dit familièrement, comment va-t-il pouvoir se démarquer. Mais un jeune poète, quel que soit son génie, et Dieu sait que celui de Baudelaire était immense, passe nécessairement par une phase d'influence et d'imitation. Et dans les poèmes de jeunesse de Baudelaire, que Baudelaire n'a pas reconnu, qu'il n'a pas publié de son vivant, on trouve des poèmes qui sortent de Lamartine, d'autres qui viennent de Joseph Delorme de Sainte-Beuve. Et dans ces années 1840, il y a une recrudescence d'intérêt pour le XVIIIe siècle. Recrudescence d'intérêt qui ne va aller qu'en augmentant et qui aboutira, si vous voulez, aux fêtes galantes de Verlaine à la fin du Second Empire. Alors, Baudelaire se tourne vers ce goût rococo, rocaille, marquise, pomponnée, et il essaie dans ce genre quelques poésies. D'autre part, Privat est lui aussi nostalgique de cette fin de l'Ancien Régime où l'on a connu la douceur de vivre, et il est bien possible que dans l'œuvre de Baudelaire figurent des sonnets que Baudelaire a écrit, mais qu'il a fait signer par Privat d'Anglemont. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de Privat d'Anglemont poète, Privat d'Anglemont ne serait qu'un prête-nom de Baudelaire, notamment dans les poèmes qui vont paraître entre 1844 et 1847, oui. Où on trouve des sonnets, un rondeau, un quatrain, une chanson. Oui. Vous les publiez d'ailleurs, je crois, enfin une partie, oui. Dans les œuvres complètes de Baudelaire, oui. Avec attribution douteuse. Attribution douteuse. Ouais. Mais alors, il y a eu deux essais, deux tentatives de Baudelaire. L'une avec son ami Praron, et là on a exagéré. Il est à peu près certain qu'aucun vers de Baudelaire n'a paru sous le nom de Praron. En revanche, pour les vers qui ont été signés Privat d'Anglemont, il est bien possible que ces vers-là, que ces sonnets, ce rondeau, soient cette chanson, soient de Baudelaire. Mais Baudelaire a ensuite trouvé son originalité. Et donc, cette imitation du XVIIIe siècle, ce goût pour Madame du Barry, il y a un sonnet à Madame du Barry, tout cela va être écarté de son œuvre. Mais je dirais qu'entre les poèmes de Baudelaire que l'on a cru signés par Praron et les poèmes de Baudelaire que l'on a cru signés par Privat d'Anglemont, c'est la partie Privat d'Anglemont qui a le plus de chances d'appartenir à Baudelaire. Baudelaire a débuté dans le monde littéraire par une folie bien jouée. Il y a des gens qui prennent un pseudonyme, ne voulant pas afficher leur nom en pleine lumière. Baudelaire fit mieux que cela. Il prit un homme pour masque. Ce masque, Privat d'Anglemont, était un grand diable blond, qu'on eût dit cousin de Nadar, par l'entrain, par l'esprit, par le jeu des bras et des jambes. Baudelaire dicta ses premiers sonnets à son ami, qui les signa. D'Anglemont me les apporta en compagnie du poète, qui voulait juger de l'effet qu'il produirait. D'Anglemont me lut les sonnets, qui étaient fort beaux. Mais l'Edgar Poe français n'y montrait pas encore son coup de griffe. « Moi aussi, me dit-il, je fais des vers, mais pas si bête de les montrer. La poésie est une fleur rarissime qu'il faut respirer, cueillir, et effeuiller soi-même dans la religion de la fière solitude. » La nature n'a pas fait des poètes pour qu'ils soient des comédiens. Mais en disant cela, Baudelaire prit les sonnets de D'Anglemont, ou plutôt ses sonnets à lui, et me pria de les publier dans l'Artiste, ce que je fis. Témoignage d'Arsène Housset dans le Gaulois, du 5 octobre 1892. Est-ce qu'il peut s'agir aussi d'un jeu littéraire dans cette mystification? Oui, il n'est pas impossible que Privat ait ajouté du sien. Il n'est pas impossible que tel sonnet ait été écrit et par Privat et par Baudelaire en une sorte de jeu et de joute même poétique. Et certains de ces sonnets pourraient appartenir, sinon aux fleurs du mal, du moins, disons, aux épaves où Baudelaire a recueilli certains poèmes de jeunesse. J'aime ses grands yeux bleus, sa chevelure ardente aux étranges senteurs, son beau corps blanc et rose et sa santé puissante, digne des vieux jouteurs. J'aime son air superbe et sa robe indécente, laissant voir les rondeurs de sa gorge charnue à la forme abondante qu'admirent les sculpteurs. J'aime son mauvais goût, sa jupe bigarrée, son grand châle boiteux, sa parole égarée et son front rétréci. Je l'aime ainsi, tant pis. Cette fille des rues m'enivre et me fascine avec ses beautés crues. Tant pis, je l'aime ainsi. Poète, peut-être, Privat d'Anglemont, en tout cas, s'est essayé au théâtre. Quelques années plus tard, à partir de 1847, il va faire au moins deux tentatives vers le théâtre. Un théâtre de boulevard, quel genre de pièce? Un vaudeville en un acte qui devait être joué avec d'autres pièces et qui n'a pas eu de succès, l'an deux, écrit en collaboration avec Auguste Supersac, et d'autre part, comme nous l'annoncions tout à l'heure, une pantomime, et ça c'est beaucoup plus original, n'est-ce pas? C'est donc la tentative vraiment personnelle de Privat pour essayer de renouveler la scène. Il faut bien dire que le théâtre a toujours été une tentation, que ce soit au 19e ou au 20e siècle. Le théâtre, c'est la gloire si la pièce réussit, de toute manière c'est une ressource financière beaucoup plus importante que la publication d'un petit livre. Pierrot, suppôt du diable, c'est une pantomime en 5 tableaux, donc c'est une pièce probablement de beaucoup plus grande dimension que le vaudeville en un acte qu'il avait présenté quelques mois plus tôt au théâtre Beaumarchais. Et tout de même, c'est une pièce qui a l'air de bénéficier d'un certain succès, puisqu'elle est jouée 17 fois jusqu'à presque la fin de 1847. Oui. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un petit succès de Privat d'Anglemont? Un petit succès, justement, sur une scène de pantomime, et un succès qu'il faut saluer, puisque précisément, c'était le renouvellement de la scène française qui passait par là. Est-ce que dans la fascination du théâtre, en dehors de la recherche légitime du succès, il n'y a pas aussi l'importance de l'image de la comédienne chez ces jeunes gens de la Bohème? Oh, certainement, oui. Elle occupe, la comédienne, dans leur imagination, une place privilégiée. Et que ce soit Baudelaire, que ce soit Privat, il faut toujours les imaginer pensant à ces comédiennes qui sont des reines de théâtre, comme le dira Nerval, d'ailleurs au début de Sylvie. Beaucoup de ces jeunes gens, de ces artistes, de ces écrivains ont une maîtresse comédienne, ou tout au moins rêvent sur l'image d'une comédienne. La comédienne est une des trois femmes que l'on rencontre dans les textes, dans les chroniques de Privat d'Anglemont. Il y a d'abord la Grisette, dont il déplore la disparition progressive. La Grisette qui est d'ailleurs remplacée par la Lorette à partir de 1850 environ, je crois. Oui, mais alors il distingue beaucoup les deux personnages, oui, de la Grisette et, oui, de la Lorette, qui est effectivement la deuxième catégorie. La Grisette, au fond, c'est la compagne de jeunesse, aussi bien de l'étudiant que de l'artiste, qui souvent n'a pas beaucoup de moyens. Et c'est une compagne de cœur également. C'est un sujet d'amour, alors qu'il a beaucoup de mépris, semble-t-il, à l'égard de la Lorette. Après tout, c'est la femme de mauvaise vie dont on achète les sentiments. Il a une expression d'ailleurs terrible à propos de la Lorette. Il dit « c'est une amoureuse sans amour » et il a une autre notation, cette jolie monstruosité de serre chaude. Oui, je vois qu'il y a une grande différence en effet entre la grisette et la lorette. La grisette est encore une ouvrière, et la lorette est une femme entretenue. Donc d'un côté encore la classe laborieuse, d'autre côté une partie de la classe dangereuse, c'est la prostitution. Lorsqu'on ne peut plus blaguer des hommes, on blague des quartiers, des rues, des maisons. On se plaît à les gratifier d'exécrables réputations. Ainsi, qu'est-ce que le quartier Notre-Dame de Lorette a pu faire à ces messieurs pour qu'ils l'aient doté d'une si riche réputation d'immoralité ? Ils ont en fait tant dit qu'ils ont fini par donner des bases solides à l'édifice de leur calomnie. On ne peut plus voir une femme aux allures légères, à la marche frétillante, balayant insoucieusement le macadam du boulevard avec sa robe pompadour sans dire « c'est une lorette ». Dès qu'au bal, une danseuse se laisse aller à une cachoucha un peu trop vaporeuse, qu'elle lève le pied à la hauteur de l'œil et le bras à la hauteur du lustre, « c'est une lorette », s'écrit-on. Si dans un théâtre, une personne du sexe timide élève la voix bruyamment au moment pathétique, bâille aux mots spirituels, ce qui n'est pas rare, le parterre, presque toujours composé de Français galants, ne manque jamais de pousser ce cri, où se reconnaît l'exquise politesse qui caractérise notre nation policée, à la porte, la lorette. Toutes les fois qu'on parle de plaisir, d'amours interlopes, de liaisons éphémères, de fils de famille ruinés, de folles dépenses, de ponches, de jeux, de champagne, de verres brisés, de chants érotiques, de vie de carnaval, de nuits passées interpocula, malgré soi, l'imagination se tourne du côté de Notre-Dame de Lorette. Il semblerait que l'air de ce quartier est imprégné de parfums enivrants, qu'on y danse au souffle des soupirs et que les mesures de cette polka fantastique se battent au bruit des baisers. Le collégien rêve pendant ses nuits solitaires la demeure des plaisirs et des amours. Le provincial y voit le séjour des houris de Mahomet. La douairière s'imagine l'enfer avec ses démons femelles placés au quartier Notre-Dame de Lorette. Dès qu'on prononce ce nom en province, les jeunes filles baissent les yeux. Les mères se signent, les demoiselles à marier vous regardent d'un mauvais œil. Si vous avez le malheur de dire dans la conversation « j'allais voir un ami demeurant rue Notre-Dame de Lorette », vous êtes un homme perdu, un débauché, un sacripant, sans foi ni loi, un panthéiste égaré par les idées modernes, un infâme démagogue, ennemi de toute famille, de toute propriété, de toute religion. Le sous-préfet vous ferme sa maison, le maire ne vous salue plus, le curé ne vous accepte jamais pour son quatrième au reversi. Le juge de paix défend à son fils de chasser avec vous. Il n'est pas jusqu'à la servante de votre vieille tante qui n'oublie de faire votre chambre. Mais, en revanche, à ces mots, les jeunes gens vous entoureront, rechercheront votre amitié, tâcheront de vous faire parler, seront à votre dévotion, espérant que vous leur lirez en cachette quelques pages de ce livre mystérieux qu'on nomme Notre-Dame de Lorette. Et tout cela parce qu'il a plu un jour à un homme d'esprit, dans une boutade, de baptiser quelques pauvres filles maigres, édentées, ennuyeuses, ennuyées, du nom de Lorette. Par contre, la comédienne, au contraire, c'est un peu un personnage mythique pour ces écrivains. Oui, il faut bien dire que la comédienne, quand elle est petite théâtreuse seulement... Est aussi un peu une lorette. Il n'y a pas de cloison étanche et l'on passe du théâtre à l'alcôve assez facilement à cette époque-là. Les cas de vertu existent, mais ils sont peu nombreux. Les comédiennes étaient obligées, au fond, de trouver d'autres ressources que celles que leur procurait leur cachet d'actrice. Oui. Petit auteur dramatique, Privat d'Anglemont, va aussi devenir critique de théâtre Un peu plus tard, oui, critique de théâtre, mais ce n'est pas la partie la plus importante de son œuvre. En tout cas, il a une connaissance du théâtre qui lui permet d'être un bon critique de théâtre. Qu'est-ce que c'est ce théâtre de boulevard qui se développe à cette époque? Car il est critique de théâtre, mais il est critique de théâtre de boulevard, plus particulièrement dans le corsaire. Oui, le boulevard, c'est ce que nous connaissons presque plus ou seulement par quelques pièces, mais le boulevard, c'est le domaine qui appartient à un certain nombre d'auteurs, comme Duvers et Lausanne, comme Labiche et ses collaborateurs. Le boulevard, c'est avant tout le vaudeville, avec ses différentes formes, du vaudeville en un acte, qui se rapproche de la comédie, comédie et proverbe, jusqu'au long vaudeville avec air chanté. Et l'autre partie, bien entendu, c'est le drame. Et c'est la partie vivante du théâtre, car la comédie française, à cette époque-là, est plutôt, je dirais, terne, même si elle est renouvelée par Rachel à partir de 1843. C'est Rachel qui va donner, ou même un peu auparavant, qui va faire revivre Corneille, Racine, Voltaire, et qui va donner à Ponsard cette chance d'être représenté sur une grande scène parisienne, alors que les burggraves de Victor Hugo viennent de s'effondrer. Entre la rue Saint-André des Arts et le boulevard Saint-Germain, nous venons de pénétrer dans l'un des rares passages de la rive gauche, qui est le passage, de la cour de commerce Saint-André. Oui. Et alors trouve Marc Gaillard à propos de Privat d'Anglemont. Oui, puisqu'il habitait ici. Dans la durée de son séjour parisien, il a en général habité la rue Saint-André des Arts. Et l'une de ses promenades favorites était précisément celle-ci. C'était là d'ailleurs qu'il rencontrait un certain nombre de ses amis habitant ou travaillant dans le quartier, à l'occurrence Honoré de Balzac qui était à côté, Delacroix qui avait son atelier au début du Second Empire sur la petite place de Fürstenberg que vous connaissez, et un certain nombre d'autres de ses contemporains et amis, Alexandre Dumas notamment. C'est un passage qui a d'ailleurs gardé son caractère du 19e siècle. Il y a une verrière là, dans la partie la plus proche de la rue Saint-André des Arts. Il y a des petits artisans, notamment un relieur qui est un magasin ancien. Il y a tout un bâtiment assez long avec un étage et des chiens assis sur le toit, qui était un bâtiment d'imprimerie, on lit typographie, sur lequel il y a également une enseigne au-dessus avec une flèche montrant qu'il y a aussi dans le passage un serrurier. C'est cela, et il y a encore une belle enseigne parlante qui a été conservée ici. Je pense que ces petits bâtiments, avant d'être occupés par les imprimeurs, ont d'abord été au temps de Privat d'Anglemont, tout simplement des écuries. Vous savez que la cavalerie parisienne, qui était très importante en ce temps-là, 150 000 chevaux, occupait pratiquement toutes les arrière-cours et les cours possibles et imaginables. Nous avons des problèmes avec nos voitures, ils en avaient pas mal avec leurs chevaux, non seulement pour les nourrir et les faire boire, enfin les amener boire sur les berges de la Seine, mais surtout pour les loger. Et d'autant que ici nous sommes exactement à l'arrière de la rue de l'Ancienne Comédie. Ce passage est parallèle à la rue de l'Ancienne Comédie. Parallèle à la rue de l'Ancienne Comédie, on débouche au coin de l'Ancienne Comédie et du boulevard Saint-Germain. Il y a encore deux becs de gaz, deux lanternes avec becs de gaz transformés en électricité, bien sûr, du 19e siècle. Absolument, oui, ce sont des lampadaires en fonte qui ont été d'abord équipés au gaz et que les fameux allumeurs de réverbères entretenaient quotidiennement, et ensuite à l'électricité, bien sûr. Je crois qu'il y a une petite scène qui nous montre Privat d'Anglemont dans ce passage. Oui, c'est Charles Moncelet qui raconte ça dans ses mémoires à propos de Privat d'Anglemont. Un matin, il rencontre dans ce passage Privat d'Anglemont complètement désespéré. Et il lui dit « Alors, Privat, qu'est-ce qui ne va pas ?» Privat d'Anglemont répond « Je m'ennuie, c'est pas possible. » Alors, Moncelet commence à lui tient compagnie, décide de passer la journée avec lui pour le désennuyer, et au fur et à mesure que la journée passe, il rencontre une dizaine de leurs contemporains, Balzac, Delacroix, Eugène Sue, etc., tout ce monde, étant immédiatement alerté du phénomène extraordinaire, Privat s'ennuie. Alors toutes affaires cessantes, on abandonne ses occupations et on forme un groupe qui grossit au fur et à mesure que la journée passe. Et on rencontre au milieu de la journée Alfred de Musset sur le Pont Neuf qui dit « Je m'ennuie ». Ah, mais ça n'a pas d'importance, toi tu as l'habitude, mais Privat s'ennuie, c'est ça qui est important, on va le distraire. Et ça se termine par une fête. Che vuol dire? Andare a venire Vuoi guardarmi così? Les Inconnus de l'Histoire, 100e, enquête sur un jeune lion antillais de la bohème parisienne, Alexandre Privat d'Anglemont, par Jean Montalbetti, médiateur Claude Pichois, professeur de littérature comparée à Paris 3, éditeur des œuvres complètes de Baudelaire dans la Pléiade, consultant Marc Gaillard, historien de l'architecture et de l'urbanisme du Paris au 19e siècle. Les textes extraits de Paris Inconnu, de Paris Anecdote et les poèmes signés Alexandre Privat d'Anglemont ont été interprétés par Denis Manuel, avec la voix de Serge Renko et la participation musicale de Schubert, de Verdi et bien sûr de Puccini dans la bohème. Prise de son Daniel Labigne et Patrice Klein, mixage Colette Vacher, réalisation Dominique Costa. Cette émission, la première d'une série de deux, a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 11 novembre 1983. À suivre, et d'ici là, à télécharger, durant un an, sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.